LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. C'est un matin, en semaine, un jour d'automne. Il y a du brouillard au loin sur le lac d'Aix-les-Bains. Et on vient d'arriver à Rumilly. Rumilly, c'est une commune un peu en hauteur, où l'on voit au loin le lac du Bourget. C'est une petite allée avec de tout petits immeubles pas très hauts, 2-3 étages. On dirait des petites maisons, des petits chalets en fait. On entend au loin des cris d'enfants dans la vallée, sans doute qu'il y a une école juste en contrebas. On s'apprête à rencontrer Anne-Christine qui vit avec ses deux filles dans un logement assez exigu, dans lequel Anne-Christine habitait seule. Et à la suite de deux séparations, ses deux filles sont revenues habiter chez elle, avec trois chiens en plus. Et l'une de ses deux filles est enceinte de jumeaux. Mais c'est 3B qu'on m'a dit. Ouais, 3B. Chez nous, une série documentaire d'Élodie Font et Véronique Samouilov, épisode 2, Fais-moi une place. On m'a prévenu. Mais normalement, ils sont enfermés. Ah bon, d'accord. J'étais gentil de me le dire. Je vais sonner. Bonjour Anne-Christine. On est accompagnée apparemment. Voilà, tout à fait. Paco, stop. Ça va bien se passer. Ouais. C'est bien, t'es gentil. Là, on est dans la pièce de vie, en fait, qui sert, cuisine. Elle est toute petite, la cuisine, donc je peux pas mettre de table, je peux même pas mettre le frigo. Et au fond, j'ai un petit dégagement, en fait, où c'est... Non. Alors, on fait salon et chambre. Ce que j'ai le plus de mal à vivre, en fait, c'est les chiens. Parce que, déjà, il y a toujours plein de poils, le linge est plein de poils. On est tout le temps dans le bruit, en fait. On ne peut pas regarder la télé parce que ça saute partout, machin. Et puis, on n'est pas pour les mettre en cage tout le temps. Donc, c'est pas une vie, quoi. Donc, c'est tout le temps, en fait, tout le temps. Quand je sors fumer ma clope, je me dis, je vais sortir. Mais en fait, je ne sors jamais toute seule. Donc, je n'ai même pas un moment où je dis, tiens, je vais fumer une clope tranquille, au calme, mon café. Non, non, c'est pas possible. Peu d'espace pour respirer. Et pas de chambre à elle pour la nuit. Stop. Anne-Christine dort au fond du salon, au pied du canapé, une petite alcôve sans fenêtre, fermée par un rideau. Paco. Alors moi, j'ai un matelas que je mets par terre le soir, en fait. Et ma fille, elle dort sur le canapé, en fait. Donc l'une de vos filles. Oui. Celle qui est enceinte. Oui. Et votre autre fille, elle dort où? Dans la chambre. Nous, on ne travaille pas avec mon autre fille. Elle travaille tout le temps, plus ou moins à droite, à gauche, là, à la reprise. Et j'avoue que dormir avec les chiens, c'est très compliqué. Là, cette nuit, par exemple, j'ai dormi une heure, quoi. Ouais, j'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil. Je sais que, elles veulent partir toutes les deux, prendre son indépendance, tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, ça me fait un peu peur, quoi, de me retrouver toute seule, quoi, quelque part. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas dormir ici, de vous extraire oui, un peu? Oui. Oui, parce que j'ai un copain, donc de temps en temps, je vais chez lui. Le fait de dormir dans un vrai lit, de regarder un film, on va dire, au calme. Et de temps en temps, il vient ici, lui? Pas plus maintenant. Il venait quand j'étais toute seule, en fait, ou à la rigueur, quand il n'y avait qu'une de mes filles. Là, ça serait pas possible, dormirait où? Je peux même plus inviter des copines ou quoi, parce que c'est pareil, j'ai une copine sur la Chambéry, elle dormirait où? Alors là, ça va. J'ai des périodes aussi où vraiment je supporte plus. Je me dis, il faut vraiment trouver une solution, machin et tout. Puis j'ai des périodes où je le vis un peu mieux, quoi, en fait. Là, en ce moment, ça va. Donc, mais j'essaye toujours de voir le positif, en fait. Je me dis que il va arriver l'hiver. J'ai des couettes en plus. Les bébés vont arriver. J'ai pris des turbulettes en plus et machin. Puis voilà, quoi, en fait. On s'adapte, en fait. Mais oui, j'ai des périodes où oui, je pète les plombs ou je supporte plus. Aujourd'hui, je vois les choses différemment que je ne les voyais avant. J'ai évolué mentalement. Mon seul regret est de ne pouvoir faire marche en arrière et pouvoir refaire ma vie de mère, pouvoir donner à mes enfants les meilleures choses, pouvoir leur apprendre les règles importantes de la vie, les limites, savoir que dans la vie, rien n'est facile, qu'il faut se battre avec acharnement pour parvenir à ses buts. Mais malheureusement, cela est impossible. On ne rattrape pas les années passées, on essaie juste de ne pas gâcher celle à venir. Je suis une maman fière de ces filles. Elles ont fait leur bonhomme de chemin comme elles ont pu, bien seules parfois. Les erreurs nous apprennent à grandir, alors je ne focalise plus là-dessus. Ce qui est fait, rien ne changera les choses. Je leur souhaite juste d'être heureuses et de construire leur bonheur comme il se doit. Je vous aime mes filles, vous êtes la chose la plus chère à mes yeux. Je suis fière de vous. Elle ressemblait à quoi, la maison de votre enfance ? Ben, on avait un gros corps de ferme, en fait. Donc, on avait plein de dépendances, des granges et tout. Et puis, en face, on avait un grand bâtiment qui faisait poulailler. Donc, on avait des poules, des canards, il y avait le potager, il y avait... Vous étiez où ? À Verzonex. C'est sur la route de Frangy, là, en fait. Et derrière, vous avez l'impression que vous avez essayé de retrouver ça ? J'aurais voulu, mais mon ex-mari n'était pas du tout dans le même esprit que moi. Et il ressemblait à quoi le logement que vous aviez avec lui, avec votre ex-mari ? Ah ben c'était une villa en fait. Il y avait 4 chambres, il y avait oui. Et qu'est-ce qui a fait que vous en êtes partie ? Ah parce qu'on a divorcé. En plus ben voilà, lui il était routier, donc il partait à la semaine, donc ben voilà, il fallait que je m'occupe des enfants, je m'occupe de tout toute seule en fait, donc. Je crois qu'en 20 ans de mariage, on a déménagé 11 fois, il me semble. Et est-ce qu'il y a des moments ici que vous vivez, qui sont des moments de partage ? Est-ce que vous aimez faire la cuisine, par exemple, et qu'il y a des moments... On a des moments de partage, où on fait des choses ensemble. On va dire, je vois, par exemple, cet après-midi, elle a son échographie, on y va toutes les trois. Voilà, on fait pas mal de choses quand ma fille est là, parce qu'avec ses horaires, c'est pas évident non plus. Mais si, on y arrive. Le ménage, en général, voilà, c'est plus ou moins ensemble. L'hiver, quand il fait froid, on arrive à faire des jeux le soir. Voilà, des trucs comme ça, quoi, en fait. Bonjour. Désolée, on vous embête. Hein. Tiffany, l'aînée des filles d'Anne-Christine, vient de sortir de la chambre, emmitouflée dans un grand peignoir. Dans quelques mois, elle sera la mère de jumeaux qui, sauf changement d'ici là, rejoindront le petit de pièces d'Anne-Christine. Comment vous le vivez, ce partage de l'espace avec votre maman ? C'est compliqué au niveau espace. Après, avec ma maman, je suis bien. Puis même, non, on s'entend bien quand même. Et puis, on s'aide beaucoup. On est beaucoup famille, donc c'est vrai que... Enfin, famille à nous trois, ouais. Quoi. Plus grand, ça serait mieux. Mais ensemble, c'est encore mieux. Même avec vos jumeaux ? Oui. Vous auriez envie d'élever vos jumeaux avec votre mère ? De toute façon, je sais qu'elle va m'aider, tout ça, donc... Ça, je ne fais pas de souci. Parce que pour vous, ici, c'est chez vous. Ouais. Bah oui. Bah, j'aurais pas été comme ça ailleurs. Même chez papa. Heureusement, sinon, je sais pas comment j'aurais fait, mais... J'ai toujours dit, si plus tard, elle peut plus être... voilà, autonome, tout ça, c'est pas moi qui irai la mettre en maison de retraite. Elle viendra avec moi, je m'en occuperai. Il est hors de question que je l'enferme quelque part ou quoi. Non, mais voilà, je préfère m'en occuper qu'on soit ensemble plutôt que... Ce serait que moi, j'aurais les moyens, j'aurais une grande maison et même si elle ne vit pas dedans, elle serait collée à la maison, quoi. C'est... J'ai toujours été obsédé par la place de chacun. Qui fait quoi dans ces lieux intimes? Les appartements, les maisons que nous habitons. Qui dort dans quelle pièce? Qui fait la sieste sur le canapé du salon? Qui monopolise la salle de bain? Comment on circule dans les couloirs et les escaliers? Comment on s'évite? Comment on se gêne et s'épie? Vivre vite, Brigitte Giraud. Bonjour. Je m'attendais à ce que la porte s'ouvre et qu'il y ait des étages ou je ne sais quoi, un ascenseur. Mais en fait, non, c'est directement chez vous. En fait. Bienvenue chez Lydia Flemme, psychanalyste et romancière. Un immeuble de ville à Bruxelles et derrière une large baie vitrée, un jardin où les plantes s'entremêlent et reprennent leur souffle. Ces adultes, plus ou moins jeunes, qui sont partis de chez leurs parents et qui reviennent habiter chez eux quelques mois ou quelques années, sont nombreux. Une étude du ministère de la Santé, en 2020, en comptabilise près d'un million. Sans compter ceux qui n'ont pas encore pu quitter le domicile familial. D'abord, il semble que les générations plus jeunes ont beaucoup plus de peine à trouver du travail et donc aussi un espace personnel pour y vivre. Ce qui montre d'ailleurs que la maison familiale, la maison des parents ou l'appartement des parents, c'est un lieu où on espère trouver une certaine sécurité. Donc il y a un réaménagement réel de l'espace au sens aussi où chacun investit cet espace. Donc comment on fait pour se partager l'espace et que chacun y trouve sa part quand même? Je pense souvent aux thérapeutes de famille, de systèmes familiaux qui disent il ne faut pas qu'il y ait de « ou », il faut qu'il y ait un « et ». C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit ou toi ou moi ou eux qui puissent être bien, il faut que chacun de nous puisse être bien dans l'espace. Et ce « et » n'est pas facile à négocier, évidemment. Et c'est, je crois, à renégocier sans arrêt. Et c'est très fatigant. Le partage de l'espace. Tout de suite, une image. Les chambres en enfilade dans plusieurs de mes colocations. Besoin de franchir ma porte pour se diriger vers la salle de bain, les toilettes, la cuisine, ou passer dans la chambre d'une autre pour manger mon petit déjeuner, me laver les cheveux, sortir, tout simplement. Partager une extrême intimité, apercevoir un corps qui dort. Bizarrement, ce furent beaucoup d'années de célibat. J'ai aussi partagé mon espace dans des colocations où les chambres étaient séparées par des cloisons si fines que je pouvais entendre mes amis tourner les pages d'un livre aux petites heures du jour. C'est un temps où je me fondais sans peine dans l'espace des autres. J'y prenais du plaisir même. Aujourd'hui, je n'en serais plus capable. Bon, je m'appelle Monique Elleb et je suis tombée dans l'architecture après, par le plus grand des hasards, après des études de sociologie et de psychologie. Et j'ai fait une grande saga sur l'architecture française depuis le XVIe siècle et je continue. Au cours des 30 dernières années, avec l'explosion du coût du logement et l'accroissement des inégalités économiques, notamment de patrimoine, tout indique que les inégalités sociales en termes d'habitat se sont accentuées. Un des effets de cette évolution concerne le surpeuplement. Il touche encore 8% des ménages, soit 8,6 millions de personnes. Sans surprise, ce sont les pauvres, les classes populaires, les immigrés et les familles monoparentales qui sont le plus frappées. Extrait de l'article « Le Covid-19, la guerre et les quartiers populaires » écrit par le sociologue Pierre Gilbert. Et corollaire de ce surpeuplement, les appartements que nous occupons sont de plus en plus petits. En témoigne, par exemple, comme va nous l'expliquer Monique Elleb, la disparition progressive de la salle à manger. D'abord, les HBM, les habitations à bon marché, prennent la décision de faire des salles communes. C'est-à-dire qu'ils mêlent salon et salle à manger pour les classes populaires. Et peu à peu, la salle à manger va devenir un élément de classement. Parce que la salle à manger, il n'y a que dans les grands appartements qu'on peut avoir des salles à manger. Donc en fait, elles disparaissent peu à peu. Ben, maintenant, on se rend compte que c'était spacieux, que c'était mieux organisé, qu'il y avait des espaces de rangement un peu plus intéressants. Parce que les appartements d'aujourd'hui sont minuscules. Ils ont perdu 10 mètres carrés. Alors, dans la perte de 10 mètres carrés, il n'y a plus d'entrée, évidemment. Et il y a très, très peu de rangement, ce dont tout le monde se plaint. Moi, dès que j'arrive quelque part, première chose, ils s'excusent du linge partout, au milieu du salon ou dans la chambre des parents, où le linge sèche. Enfin, bon, il y a toutes sortes dans les petits appartements, c'est pas très agréable de vivre. Et les gens vous le disent. Et le fait qu'on soit dans des appartements plus petits aujourd'hui ne répond qu'à des conséquences économiques. Exactement. D'ailleurs, dans la mission qui a été faite récemment pour le ministère, enfin pour le secrétariat au logement, il est bien montré que c'est une dérive des promoteurs. On est les logements les plus petits d'Europe. Donc ils font petits parce que c'est d'abord la rentabilité. Et le logement, ce n'est pas un produit. C'est beaucoup plus que ça. Et donc, il faut redonner de la place aux architectes qui savent faire et redonner de la place à une réflexion beaucoup plus attentive au fait que l'habitat est un fait culturel. Est-ce qu'on a une idée des conséquences sur nous en tant qu'êtres humains ? Oui, on vit mal, bien sûr. L'histoire du confinement m'a complètement... confirmé dans quelque chose auquel je crois et que j'appelle depuis très longtemps l'extérieur intériorisé ou l'intérieur extériorisé d'ailleurs, c'est-à-dire un espace privé extérieur qui permet de posséder le ciel, de mettre les mains dans la terre, de voir passer les saisons, quelque chose qui permet de respirer, voilà, de respirer. Et c'est très important. Et pourtant, même avec un extérieur magnifique, une vue incroyable sur les Alpes, on peut aussi être prisonnier chez soi. La maison idéale, j'aimerais une maison ouverte. Voilà, très ouverte. Je voudrais qu'il y ait des fenêtres et des portes partout. Voilà, c'est peut-être ce besoin de liberté, j'en sais rien, mais voilà, une maison très simple. Je pourrais sortir de 13h à 18h tous les jours et faire quelque chose, mais... ça m'intéresse. La plupart du temps, je reste ici. Je sors pas. Je me sens chez moi, mais je sens que je partage l'espace. Je me sens chez moi avec un autre, avec un petit regard dans le coin, quoi. Je suis pas complètement libre chez moi. Voilà. Du coup, je préfère rester dans ma petite bulle, c'est mieux. Bilal habite chez Sylvia, sa mère. Le cadre autour d'eux est idyllique. Un chalet rénové, un grand terrain en contrebas, la brume du matin déposée sur les cimes des montagnes. Bilal a 23 ans, et s'il est revenu habiter chez sa mère, c'est qu'il n'en a pas eu le choix. J'ai une amie qui m'appelle et qui me dit « Viens au tribunal, il y a ton fils qui passe en comparution immédiate là tout de suite. Le procès a commencé. » Je pars comme je suis, je pense que j'étais en pyjama en plus, et je file direct au tribunal. Et je vois le procès de mon fils qui vient de commencer. Donc j'entends des choses qui atterrissent comme ça, de sujets de leur vie de couple, où j'étais à 10 000 lieues déjà de penser ça. Donc j'entends des choses et je me dis mince, j'ai l'impression que j'ai raté les 5 dernières années quoi, à ce moment-là. Donc je suis vraiment dans une ambivalence d'émotions qui est assez dure à gérer, j'avoue. Alors, le procureur demande 12 mois ferme. Et là, je me dis, waouh. C'était assez flippant un peu quand même. Parce que je sais pas, comme le procureur, quand il parle, tout ça, bon, il a l'air donc, d'être sûr de lui, il sait ce qu'il veut. Quand j'ai entendu 12 mois ferme, en plus, il avait dit 12 mois ferme dans une prison à Eton ou à Villefranche à Lyon. Je me suis dit, c'est gros quand même. Et je me suis dit, c'est raisonnable avec les remises de peine et il faut qu'ils comprennent. Et là, l'avocat demande « Est-ce possible de faire un aménagement de peine ?» Je me dis « Ok, peut-être qu'il va sortir avec le bracelet ou quoi ?» Et là, j'entends que son avocat demande au juge s'il peut faire un aménagement de peine au domicile de la maman. Et j'ai quand même le réflexe bizarre de me retourner pour dire à qui il parle, alors que c'est moi la mère. Et je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Dans ma tête, ça va très vite à ce moment-là, parce que je me dis, je suis quand même pas toute seule chez moi. Qu'est-ce que je fais ? En fait, il y avait un ami à moi dans la salle d'audience là où vous étiez. En suivant ces gestes, j'avais compris que ça voulait dire ça, parce que lui, il est déjà passé par cette case-là. Du coup, bah, discrètement, j'ai demandé à mon avocat, je lui ai demandé s'il pouvait faire la demande. Ah, donc ça vient de vous ? Oui. C'est moi, j'ai demandé à mon avocat pour que mon avocat, il dise... Je n'ai jamais posé la question, mais est-ce qu'à un moment donné, quand tu as demandé à ton avocat de faire un aménagement de peine, tu t'es posé la question de moi, ce que ça pouvait me faire, de venir à la maison? Mais à la base, j'ai pas demandé chez toi, moi. Ah. J'ai juste demandé à mon avocat, est-ce qu'un aménagement de peine, ça se fait? J'ai ni dit chez ma mère, chez rien. Et le problème, c'est qu'après, ils m'ont dit, sauf que vu que t'as plus de retourner à ton domicile, la seule issue pour que t'ailles pas en prison et qu'on t'accorde le bracelet, c'est que tu le mettes chez ta mère. J'ai dit, ah, mais dans ce cas-là, elle est derrière, faut lui demander, hein. J'ai dit, mais faut lui demander, elle est juste derrière. Déjà, je me suis sentie prise de court, en fait. On vacille entre plein de sentiments, et là, je me suis sentie prise un peu au piège. À la base, j'ai pas dit directement, je vais chez ma mère. J'ai juste dit, j'aimerais bien avoir un aménagement de peine. Mais après, la vérité, il y avait que toi. Je savais très bien qu'il y avait que toi ici. Je savais qu'il y avait personne d'autre. Et au bout de, dès qu'ils sont revenus délibérer, ils ont accepté. J'ai dit, waouh, c'est d'une violence quand même. Personne me consulte. C'est pas rien, un dispositif du bracelet électronique. Ça veut dire quand même qu'il y a un téléphone chez moi qui est très bizarre d'ailleurs, qui a une reconnaissance vocale avec la voix de mon fils, qu'il y a des heures précises, sinon ça sonne partout, qu'il y a quand même des gendarmes qui viennent installer ça. Alors, le regard des gens, c'est peu importe, et puis j'habite en campagne, mais c'est quand même pas rien. Il y a tout plein de choses qui se mélangent dans ma tête, et je me dis, ok, j'ai l'instinct de louve quand même, ça reste mon fils. On y va, quoi, et on va assumer tout ce qui va avec. Mais j'ai mis quelques jours quand même à redescendre en pression, à remettre les idées, chaque chose à sa place, et me dire, ok, bon, on va tout changer. Surtout que je venais d'aménager sa chambre, qui est aujourd'hui sa chambre, en salle de sport. Enfin, en salle de sport, j'avais acheté plein de vieux appareils de sport parce que j'avais pris du poids et je me suis dit, bon... Dans cette maison, ils sont cinq. Sylvia, son compagnon, leurs deux jeunes enfants, et Bilel, condamné pour violence conjugale. Sylvia, comment la cohabitation s'est faite avec l'arrivée de votre aîné qui n'habitait plus sous votre toit depuis déjà plusieurs années ? Ça paraît peut-être anodin, mais par exemple, moi j'avais que 4 chaises autour du bar où on mange tous les soirs. Sauf qu'aujourd'hui on est 5, donc les premiers temps je faisais pas attention, mais j'étais toujours debout, à manger debout. Et tout le monde mangeait, et on mangeait tous comme ça, j'étais debout, je me suis dit mais... manque quelque chose. Oui, effectivement, on est 5 maintenant, donc il a fallu que je me dise mince, il faut que j'aille chercher une chaise. Et ça a pris du temps, comme quoi c'était pas inscrit réellement encore dans le fonctionnement de la maison. Et puis voilà, première semaine, on a réaménagé l'espace en 2 temps 3 mouvements comme on a pu, hein. C'est pas exceptionnel, mais c'est voilà, il a une chambre, il a son intimité. J'ai prévenu mes enfants aussi, parce que c'est pas rien, ils sont petits, donc ils comprennent pas pourquoi Bilel revient d'un seul coup ou d'un seul, qu'est-ce qui se passe. Il faut réexpliquer pourquoi Bilel est là, puisque tout le monde sait que Bilel est marié, Bilel vit ailleurs. Et d'un coup, Bilel, il revient, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça a été tout ça. On va dire que le premier mois, ça a été un mélange de tout ça. D'essayer de le réinclure dans notre fonctionnement, parce qu'on a un fonctionnement qui est quand même très différent, il est très... j'allais dire très ado, c'est ce qui faisait que d'ailleurs on s'embrouillait souvent. Réellement, c'était parce qu'il rentrait très tard, qu'il faisait du bruit, enfin bref, qu'il n'avait pas un respect de forcément de la vie collective au sein de la maison. Là, ce qui facilite, c'est qu'il est régi par les horaires. Et puis là, il sort plus la nuit. Et ça, ben, ça enlevait un poids d'embrouille, en tout cas, qu'on pouvait avoir auparavant. Bilel, qu'est-ce que ça fait de vivre quasiment exclusivement dans votre chambre ? Parce que je crois que vous sortez pas beaucoup, en fait, de votre chambre. Non, je suis plus dans ma chambre que dans le salon, quoi. Ou dehors aussi, des fois, j'aime bien dehors. J'aime bien souvent dehors, mais j'aime bien être seul. Je sais pas, j'aime bien être dans le noir. C'est un peu de la déprime, puisqu'il n'y a pas de bruit, il n'y a personne. C'est aussi une des choses qui m'a permis de réfléchir sur toute ma vie, en fait, parce que de rester enfermé dans ma chambre tout seul, mon téléphone, il va bien pendant 30 minutes. Au bout d'un moment, bon, on n'a plus rien à faire sur le téléphone, donc on est là, je regarde des murs. Et du coup, je repense à tout, tout ce qu'il y a eu dans ma vie, tout ce qui s'est passé. J'ai eu le temps, du coup, j'ai eu bien le temps de tout repenser. Mais ça m'a fait voir la vie d'une façon différente, j'ai l'impression. J'ai eu 40 ans cette année et Bilal a 23 ans. C'est pour ça qu'on est... c'est mon number one, quoi. On a une relation ultra passionnelle, donc dans la passion, il y a des hauts et il y a des très bas. Donc on peut se fighter assez fortement. Donc je me suis dit, mince, chez moi, c'est plutôt calme. J'ai deux petits-enfants derrière. On a réussi à créer quelque chose d'assez équilibré. Comment ça va se passer ? Voilà, j'ai eu l'appréhension de ça, quand même. Des fois, j'ai des cours en distanciel, mais sur mon ordinateur. Je pouvais me caler un peu n'importe où sans me poser de questions. Quand vous êtes en formation, vous n'osez pas dire la même chose en sachant qu'il y a quelqu'un dans la maison ? Ouais, exactement. C'est par rapport à moi ou c'est par rapport à tout le monde dans la maison que tu te sens regardé ou... Non, mais on en a parlé. C'est par rapport à toi. Tu te rappelles quand je t'ai dit, tu t'en rends pas compte, mais le fait que tu reviennes, ça bouge beaucoup de choses pour moi, tu vois. Tu te rappelles de cette conversation ? Voilà, et je t'ai dit, ben, c'est vrai que quand t'étais pas là, moi, la journée, j'étais complètement seule. Donc, en l'occurrence, c'est toi qui es là, tu vois. Donc, évidemment que ça modifie mon espace de liberté, entre guillemets. J'essaie de faire en sorte que ce soit pas non plus trop difficile pour eux. Enfin, je veux dire, par exemple, je vais pas faire quelque chose, sachant que derrière, je sais que, par exemple, ça va énerver mon beau-père, il va rentrer. Donc, il va faire la réflexion. À la fin, ça va finir en embrouille entre eux, alors qu'à la base, ils n'ont rien à voir, c'est moi. Donc, non, j'essaye quand même de faire attention à tout ce que je fais, ce que je dis, à mon comportement général dans la maison. Mais non, moi, je suis tranquille, peace and love, il n'y a pas de souci. Je pense que moi, il n'y a pas de souci. On va dire que sa manière de contribuer à cet aménagement de l'espace, c'est qu'il se fait tout petit quand même. Il fait attention. Au pire, je le préviens, je vais dire, voilà, je suis en cours toute la journée, il ne va pas faire un bruit, il se fait quand même tout petit. Et quand vous avez partagé l'espace dans votre vie antérieure, puisque effectivement vous avez été tous les deux, vous l'avez élevé, à quoi ça ressemblait votre chez-vous ? Quand on n'était que tous les deux ? Ouais, c'était un peu le cas où on était un petit peu pareil, hein. On a du mal à se lever, on a du mal, on traîne la patte. mais c'était plutôt cool, très fusionnel, donc c'était facile, on aime les mêmes choses, on regarde les mêmes séries. À cette époque, le sucre, ça me posait pas plus de problèmes que ça, donc on avait plutôt la même alimentation. Non, c'était facile. Il pouvait y avoir des piles de linge en attente. La vaisselle était peut-être pas forcément faite tout de suite. C'était un appartement assez... assez bordélique, un peu comme nous, quoi. Je suis devenue maman derrière deux fois. Le travail, la construction de ma vie a fait que je suis devenue plus responsable. Voilà. Je pense qu'on a beaucoup grandi ensemble. J'ai pas été la maman parfaite et loin de là, mais c'était une belle époque. On dirait qu'on vivait dans une série. C'était comme dans une série, en gros, il n'y avait pas de... C'était tout cool. Ouais. Il n'y avait pas de choses négatives qui venaient pour l'ambiance ou quoi que ce soit. C'était souriant. En plus, on regarde les mêmes séries, on regarde les mêmes choses à la télé, on a les mêmes centres d'intérêt, on écoute la même musique. Donc, il n'y avait pas de... Ouais, non, je veux pas si... C'était toujours, ouais, vas-y, ouais, tu vas, vas-y. And a house is not a home when there's... Je pense que ça va rester quand même dans un coin de mon esprit en me disant que finalement... Les choses dans ma maison, elles seront jamais figées parce qu'il peut se repasser quelque chose. Je devrais peut-être à long terme repartager mon espace, peut-être. Aujourd'hui, ta maison, elle est comme ça, mais demain, peut-être qu'elle sera pas comme ça. Et ça nous a même poussé à la réflexion avec mon conjoint. Voilà, on a envie de partir. Et je pense que l'histoire de Bilal, c'est peut-être l'élément déclencheur. And a house is not a home when the two of us are far apart. Si rien ne garantit qu'une maison puisse soigner les maux à venir, je sais au moins à présent qu'elle soigne les maux du passé, en offrant à profusion ce qui longtemps a tant manqué. La place, le temps et la présence des êtres avec qui l'on a envie de vivre. Ainsi se cicatrise peu à peu, à coups de longs moments partagés, les blessures de la solitude. Grâce à la maison, le sentiment d'isolement n'est plus une plaie à vif, mais le lointain souvenir d'une sensation vaguement familière, qui a perdu sa charge de douleur. La maison est aussi un pansement. la maison qui soigne, Nathalie Heinisch. Lydia Flemme, vous qui êtes psychanalyste et romancière et qui avez beaucoup écrit sur le lien que nous entretenons avec nos logements, pourquoi est-ce si difficile de partager l'espace ? Oui, parce qu'on est un peu quand même comme d'autres mammifères. On a besoin de marquer notre territoire et en partie, on veut bien le partager, mais dans certaines occasions et avec certains protocoles. Et puis en partie, on veut surtout que personne n'y touche et ne le transforme par sa présence. Donc voilà, c'est toujours à négocier, bien sûr. Alors, il y a aussi le rapport aux enfants. Les enfants, en général, on essaie de les contenir, mais les ados, c'est tout à fait autre chose. En général, c'est très conflictuel, parce que les ados, ils font vraiment comme... Enfin, si ça devient vite une tanière où tout est en désordre, et si on touche à la moindre chose, c'est des hurlements, etc. Et en vérité, il faut comprendre que c'est nécessaire aux adolescents. Ils ont besoin de marquer leur territoire comme ça. Et on doit le respecter, mais c'est très pénible à vivre. Donc il y a des conflits, et les conflits peuvent passer par ces... Voilà, comment chacun habite l'espace avec des bêtises. Enfin, qu'est-ce qu'on laisse dans le frigo ouvert, qu'est-ce qu'on laisse dans l'évier, sale ou non, qui s'occupe des poubelles, qui ne ferme pas le tube du dentifrice. Est-ce que quand on rentre, on laisse traîner sa veste, son manteau, ou est-ce qu'on l'accroche, etc. Alors, c'est ridicule, et en même temps, c'est incroyable comment on peut investir ces petits détails et se pourrir la vie, se disputer parfois très très fort. Enfin, ça veut dire qu'on entre dans une maison avec son corps, et ce corps laisse des traces qui peuvent, pour les autres habitants de la maison, être très désagréables. Je crois vraiment que habiter un lieu, c'est l'habiter avec son corps. Je pense qu'on a peut-être plus de liberté intérieure et on fait peut-être plus de voyages entre différentes dimensions de soi quand on se déplace dans le lieu où on vit. Et quand on a une liberté de mouvement aussi, je pense que c'est... Quand je séjourne dans des maisons, j'ai toujours un tel plaisir à réaliser que je peux faire des grands pas, que je peux danser, que je peux bouger sans me cogner au meuble tout le temps. Ouais, il y a une contrainte sur nos corps aussi, dans les petits logements, qui nous oblige à réprimer des élans, des envies, des besoins. Donc... J'ai l'impression parfois que dans un tout petit espace, le temps aussi est comprimé, en fait. C'est assez mystérieux, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression parfois que dans les espaces plus grands, le temps passe plus lentement. Quand on peut changer de pièce et selon les heures du jour et ne pas être toujours dans la même, il y a comme une différenciation des heures, en fait, qui allonge le temps. Mona Chollet, vous êtes autrice et journaliste. Et justement, puisqu'on parle d'espace, vous habitez dans un espace assez étroit, je pense qu'on peut le dire. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien dans ce genre de lieu ? C'est drôle parce que je crois que c'est quelque chose qui est en train de changer chez moi. C'est-à-dire que là, je commence à avoir des envies d'expansion. mais pendant longtemps, j'ai bien aimé les espaces très réduits. Il y a un côté refuge... Bon, je pense qu'il y a une espèce de réminiscence de la vie amniotique quasiment, en fait, c'est-à-dire un lieu très petit où on trouve tout ce dont on a besoin. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez apaisant à avoir sous les yeux toutes les fonctions du logement, c'est-à-dire d'un seul coup d'œil, on peut embrasser le lit, l'espace de travail, la cuisine, la salle de bain. Pour moi, il y a quelque chose d'agréable et de rassurant. C'est aussi comme une sorte de petites bulles, de postes d'observation sur la société. Il suffit d'avoir une fenêtre, d'avoir de la lumière, du confort. Et c'est... Je commence à avoir envie d'autre chose, mais je reste sensible à la séduction des petits espaces, malgré tout. Mais il ne faudrait pas que ça implique de se résigner à la petite surface de nos logements. C'est-à-dire, c'est aussi quand même le reflet d'inégalités dans l'utilisation des ressources et de l'espace. Et on ne peut pas accepter ces inégalités, il me semble. Il faut quand même se battre pour... qu'on ait tous droit à une surface de vie décente, en fait. D'accord, on n'a pas besoin de logements immenses, mais on devrait quand même avoir un peu d'espace pour bouger, pour cohabiter aussi, parce que voilà, les petits logements, ça veut dire aussi que les gens sont entassés les uns sur les autres, ce qui favorise pas des relations harmonieuses, évidemment. Et je pense que l'absence de lieu à soi, de la fameuse chambre à soi, dans énormément de logements, indique l'incapacité, l'interdiction d'exister pour soi, en fait, simplement. Il faut de l'habileté, du temps, de la dévotion et de l'empathie pour fonder un foyer qui fonctionne et dans lequel tout le monde se sent bien. C'est surtout un acte d'une générosité immense que d'être l'architecte du bien-être de tous les autres. Beaucoup de gens pensent encore que cette tâche revient aux femmes. Par conséquent, on utilise toutes sortes de mots pour minimiser cet effort monumental. Si l'épouse et mère a été fécondée par la société, elle joue le rôle de l'épouse et de la mère pour tout le monde. Elle a construit le récit que l'antique patriarcat a tracé pour la famille nucléaire hétérosexuelle et y a bien sûr ajouté quelques ornements contemporains qui lui sont propres. Ne pas se sentir chez elle, dans sa propre maison, est le début du plus grand récit créé par la société et du malaise féminin. Si elle n'est pas trop abattue par le récit sociétal qu'elle incarne avec espoir, fierté, bonheur, ambivalence et rage, elle changera le récit. Le coup de la vie, Déborah Lévy. Perle est de ces femmes qui donnent énormément pour que son foyer soit heureux, joyeux, lumineux. Perle a 2 enfants en bas âge, une famille restée aux Antilles et une jolie maison de village qui longe la rue principale. Je vous en prie, bienvenue. Ben on vous suit, hein. Super. Le salon, la cuisine. Ça fait travailler les filles. Souvent, on me demande, mais comment tu fais? Je comprends pas, tu vas t'accoucher, t'as cette ligne. En fait, j'ai une maison sur 3 niveaux. Ceci explique cela. Monter et descendre. Ça fait ça. Donc, la chambre parentale, avec la vue sur le fameux lac du Bourget. Waouh. Voilà. Chambre parentale. Où dort à présent le papa. Et plus vous? Non. Depuis voilà. Plusieurs mois, je n'y dors pas. Donc, c'est plus votre chambre à vous? Non. Je suis à l'étage du dessus. Investi par le matelas, il n'y a pas grand. Il n'y a pas de changement particulier. Mais mon lit est bien là et c'est là où je dors. Et les enfants ont très bien compris et retenu que maman est là. Voilà. Dormir séparément, c'est. Oui, c'était une étape et j'étais contente de la franchir. Et il y a des photos encore Oui. Ben, c'est un petit peu comme un musée de notre ancienne vie, entre guillemets. Puisque, à part ce matelas, rien n'a. Concrètement changé. Nos souvenirs de voyage avant d'être mariés sont encore à leur place, les photos, enfin, oui. À part ce matelas, il n'y a pratiquement rien de stupéfiant, de choquant, de marquant concernant notre séparation. C'est comme d'habitude. Voilà. Et c'est pour ça que j'utilise le mot musée. C'est comme si, mais en fait, non. On veut rester, voilà, dans cette illusion, tout va bien, alors que c'est pas du tout le cas. Je respecte, on va dire, mais on ne vit pas dans le même monde. Mais dans ma tête, tout est clair. Donc de ce fait, même si ça n'a pas bougé dans la maison, ma maison intérieure, elle est bien au fait des choses. Et ça ne va pas bouger. Et il n'y a plus de photos dedans? Non, aucunement. À part les enfants, bien sûr, que, voilà, qui animent, qui entretiennent cette vie, cette gaieté, cette vivacité, mais de nous deux, non. Vous l'imaginez à quelle échéance le fait de partir d'ici pour aller dans votre propre maison? Je fais en sorte que ça soit fait le plus rapidement possible. Parce que pour l'instant, Perle, vous habitez ici, vous vous êtes séparée du père de vos enfants il y a quelques mois, mais en l'occurrence, vous partagez toujours le même toit. pour des raisons financières. Ça ne tient qu'à un fil, alors un seul, mais c'est un fil d'acier. Et on s'en rend compte qu'une fois dans la situation. Le fait de ne pas pouvoir bouger d'un endroit pour des raisons financières, est-ce que c'est se sentir emprisonné ? Oui, l'image de la prison correspond assez à mon profil, puisqu'en fait, je suis dans un espace dont je voudrais sortir, mais que je ne peux pas franchir la porte. Donc oui, c'est un espace limité, défini, où je suis malgré moi. Les sous dont je dispose passent aussi dans les courses, dans les habits, les chaussures, oui, des enfants, mais ça ne se voit pas. Oui, c'est quelque chose que je ne peux pas quantifier. Pourtant, je participe aussi, en fait, mais pas de la même façon que lui. Alors oui, c'est frustrant à la fin du mois de se rendre compte qu'on n'a plus rien. Et pourtant, on est dans la maison et on fait en sorte... Il y a ma patte partout, mais juste, on n'en a pas idée. C'est frustrant, parce que c'est aussi ma maison. Et ça freine et ça fait peur. Comment est-ce que je vais faire? Je ne vais pas y arriver, je vais être dans le besoin. Et je me rends compte qu'en affrontant mes peurs, j'en suis capable. Et je suis à cette étape, voilà, de passer le cap, de m'en sortir. Sur les deux plans, sortir de cette maison et sortir de cette vie qui ne me correspond pas, qui... Voilà. Disons que... Je n'ai pas peur, mais il y a quand même cette impression d'insécurité. Parce que parfois, il peut y avoir des réponses qui ne me laissent pas sereine. Comment expliquer ? Dernièrement, je m'étais déjà endormie, les petits aussi, et je l'ai surpris comme ça à chercher quelque chose avec la lampe frontale. Donc je lui demande ce qu'il cherche, puisqu'il ouvrait les portes, les tiroirs dans le buffet du deuxième étage, où je dors. Et il ne me dit pas clairement ce qu'il cherche. Il a fini par descendre, moins d'une minute après, en me demandant si j'avais encore mon alliance. J'ai jamais su ce qu'il cherchait. Et son interrogation se portait sur un objet qui n'est pas anodin. Parce que je ne l'apporte plus depuis un certain temps aussi. Oui, puis il y a une intrusion dans votre espace, pour le coup. Eh bien, c'est là où je monte là-haut. Puisque là, il n'a pas accès. Dans votre tête? Dans ma tête, oui. Il ne peut plus y rentrer et... Et voilà, c'est ma porte de sortie. Quand il fait des choses comme ça, je m'apaise de cette façon. C'est mon seul échappatoire, quelque part. Psychiquement, c'est très dur, oui. C'est une lutte, oui, pour rester souriante, gaie, parce qu'il y a deux enfants, c'est deux petits anges, et ils n'ont rien demandé. Je continue, oui, d'être celle qui fait en sorte que ça soit le plus fluide possible. Quand il arrive, ce qui doit être fait a déjà été fait. Et il n'a plus qu'à manger. Voilà. C'est aussi de mes forces de préparer pour, du coup, nous trois, et qu'il arrive et que rien ne soit prêt, oui. Oui, donc il a toujours à manger. Donc vous-même, vous continuez quand même à instaurer une vie familiale? C'est moi qui mets la vie, oui. Mais je sais qu'il ne voit pas que c'est pour ça que je le fais. Je le sais. Psychologiquement, jusqu'où j'ai été par amour pour lui, j'ai pas osé dire stop, non. Certes, il y a eu invasion sexuelle, voilà. Mais c'est dans ma tête qu'il avait une emprise et un espace trop important. Et le temps de le conscientiser, de réaliser, de l'assumer et de réduire ensuite pas à pas cet espace qu'il avait, eh bien, ça a fait que je suis devenue quelqu'un de différent qui voit le chemin, en fait. Est-ce que je vais en sortir? Alors, J'y suis pas encore, mais je projette cette maison dans mon rétroviseur. Je regarde plus. J'avance. Even when there's nothing there but you. A room is not a house, and a house is not a home when the two of us are far apart, and one of us has. Nos corps avancent, se percutent, se dissolvent parfois quand nous partageons l'espace. Qui prend la place? Qui s'efface? Qui a déjà eu le ventre noué d'entendre l'autre rentrer, la porte s'ouvrir et avec son flot d'incertitude? Habiter à deux, à trois, à plus? Comment cela altère petit à petit qui nous sommes au plus profond de nos intérieurs? Anne Lambert est sociologue à l'INED et spécialiste, notamment, des questions de genre et d'espace. Elle a notamment co-dirigé l'ouvrage « Le monde privé des femmes ». Les séparations conjugales s'accompagnent souvent d'une perte de statut d'occupation pour les femmes, c'est-à-dire quand elles ne peuvent pas racheter les parts du crédit parce qu'elles ont mis moins et que leurs revenus salariaux sont moindres, donc elles participent moins aux charges de remboursement, non pas qu'elles participent pas, mais s'il y a moins d'apport personnel, moins de parts dans le crédit, effectivement, au moment de la séparation, souvent, elles sont obligées de quitter le logement, de repartir en locatif, par exemple. On retrouve beaucoup de familles monoparentales dans du logement social également, de ce fait-là. Donc, il y a un déclassement assez fort au moment de la séparation. Parce que le logement, en réalité, c'est une boîte noire, hein, du point de vue statistique. On compte souvent l'unité ménage et on prend le référentiel du chef de ménage, c'est-à-dire souvent l'homme, mais c'est toute la, grâce à la sociologie qualitative très précise, l'observation, l'ethnographie, les entretiens biographiques, qu'on arrive à voir les rapports de pouvoir qui se jouent au-delà des statuts d'occupation ou des revenus que mesure l'INSEE. Et il y a plein de choses qui sont invisibles par les statistiques, mais qu'on observe dans les entretiens approfondis. Mona Chollet le disait, mais ça c'est pour la bourgeoisie capital économique et culturelle. Elle dit que la solution pour les couples hétérosexuels aujourd'hui, pour que le couple dure malgré tous les rapports de domination femme-homme, c'est que les couples soient non cohabitants, chacun chez soi et on se voit de temps en temps. Bon, qui peut faire ça aujourd'hui? Évidemment, peu de monde. Mais en tout cas, ça pose effectivement, ça renvoie à l'idée que le logement, c'est un espace de vie, un support d'identité sociale, mais aussi un espace de construction de soi central pour les femmes et pour les hommes aussi. Aujourd'hui, on voit que les écarts hommes-femmes en matière de prise en charge du travail domestique arrêtent de reculer quasiment dans tous les milieux sociaux. C'est le travail parental qui a peut-être la prise en charge des enfants. Les hommes s'occupent un peu plus, mais le travail domestique, ça attire pas. Hein. Le travail au sein du logement proprement, parce qu'il est à huis clos, parce qu'il est pas reconnu, parce qu'il est pas rémunéré, et parce que du coup, quand on fait ça, on fait pas autre chose, donc ça ampute aussi les carrières. Vous qui êtes en train d'écouter ce documentaire, j'ai une question. Est-ce que vous l'écoutez sur une radio, une enceinte ou avec des écouteurs? Parce qu'une étude suisse, menée par des sociologues, rapporte que ces inégalités dans l'espace se jouent même dans ce genre de détails. Les hommes vont avoir tendance à mettre le son de la radio ou de la télé à plein volume et les femmes à écouter au casque. Anne Lambert, est-ce que la période du Covid a accentué ces inégalités ? Ce qui est intéressant, c'est que des périodes singulières assez atypiques comme le Covid ont généré une redistribution de l'usage des pièces dans le logement entre les femmes et les hommes, parce que cette fois, tout le monde était obligé de redéployer ses activités professionnelles, de travail, je parle pour ceux qui sont passés en télétravail notamment, dans le logement. Et ce qu'on voyait, c'est que systématiquement, les hommes avaient plus souvent une pièce spécialisée à eux pour travailler. Alors, soit qu'il y a une pièce bureau qui existe, mais dans les appartements où il n'y a pas de pièce bureau, comme c'est le cas en Île-de-France, parce que les logements sont trop petits, en fait, ils s'appropriaient la chambre. Et exclusion de la femme, cette fois, qui était reléguée dans des pièces de vie communes, c'est-à-dire un espace beaucoup moins confortable, finalement, sous la sollicitation permanente des autres. On est disponible pour les autres. Et donc, on voyait très bien, dans les couples de 4, c'est deux fois plus d'hommes qui avaient un espace à eux pour travailler Alors que les femmes cadres, y compris cadres, devaient partager leur espace de travail avec le reste de la famille. Et puis il y a bien sûr en fait l'extérieur, pouvoir s'en extraire du logement quand on le souhaite. Donc disposer de son espace, c'est aussi pouvoir en sortir. Et en temps de Covid, on a regardé le nombre de sorties hebdomadaires que les hommes et les femmes au sein des couples faisaient justement. Et ce qu'on voit, c'est que les hommes, ils sortent plus systématiquement du logement, y compris pour faire des tâches qu'ils ne faisaient pas ou moins avant, c'est-à-dire par exemple faire des courses. Au nom d'une activité, protéger la famille, je sors, c'est moins dangereux pour vous notamment. Les filles, des petites, on leur apprend davantage à recevoir les copains à la maison ou à avoir des activités de loisirs aussi qui se pratiquent plus facilement à la maison, un instrument de musique, etc. Donc elles font l'apprentissage d'un rapport plus étroit, l'espace domestique, dont elles deviennent progressivement responsables aussi. Hein. Elles apprennent à rester plus dans le logement et aussi à progressivement entretenir ce logement. En tout cas, le Covid a semblé vraiment rebattre les cartes et réassigner, réenfermer assez fortement les femmes, pour le coup de tous milieux sociaux, à des fonctions domestiques premières et un espace domestique assez clos. Et parfois, dans le partage de l'espace, l'intimité se dissout. Jade habite près de Lyon, un petit appartement dans une rue en travaux. On entend les voisins qui se crient dessus, mais Jade s'en fiche. La vie à plusieurs, elle connaît depuis longtemps. Alors, faut savoir que de base, j'ai toujours habité en collectivité. Ça a commencé à mes 1 an et demi. Avant le foyer, j'étais placée genre 3 mois, grand max 6 mois, 2 mois par-ci, 3 mois par-là. Et après, j'ai vraiment été placée à mes 9 ans en foyer. C'est-à-dire que, je rentrais plus chez moi, quoi. On prenait mes affaires ou alors même pas, on me mettait ici. Bon hop, on ne veut plus, on te met là-bas. Hop, encore une fois, tu vas ici. Enfin, comme des valises grosso modo. Quand ça va plus, hop, on te met autre part. Et du coup, c'est vraiment ça, on te balade. Les parents de Jade sont vivants, mais ils sont séparés et dans l'impossibilité de s'occuper de leurs enfants. Elle a donc été accompagnée depuis le tout début par les services de l'aide sociale à l'enfance. Jade, quand on est en foyer, on partage tout ? Ouais. Enfin, même des choses qu'on veut pas partager. Hein. Moi, je me rappelle, j'avais certains habits. En fait, les lingères, elle les donnait aux autres enfants alors qu'ils m'avaient tout à fin. Ils m'allaient encore les habits. Et du coup, ça m'énervait parce qu'en fait, t'as rien à dire. Et du coup, moi, je me rappelle, de base, je partageais la chambre avec ma sœur. Ensuite, on m'a mis avec une autre fille. Donc, même ta chambre, c'est même pas ta chambre. Et en fait, il faut savoir que nos chambres, elles sont tout le temps ouvertes. Enfin, du moins, quand on est petit, on n'a pas de clé, etc. Donc vraiment, c'était un peu trop le moulin. Et moi, à chaque fois, j'instaurais une règle. Oui, on toque avant. De toute façon, je m'énervais. Je leur jetais des doudous dessus pour qu'ils sortent. Ça veut dire qu'il y avait zéro intimité. Ah, mais il y en a zéro en foyer. Hein. Enfin, pour vous dire même, on avait les douches collectives. En fait, on avait 3 douches alignées. C'était tout fermé. Par contre, en haut, c'était ouvert. Et du coup, il faut savoir qu'à des moments, on a eu des mauvaises blagues de certaines personnes qui montaient en haut et qui regardaient. Donc l'intimité n'était pas là, enfin voilà quoi. Et il faut savoir qu'on n'avait pas de serrure aussi. Donc à des moments, enfin moi, ça m'arrivait souvent que je me change et qu'un éducateur rentre. Du coup, je criais et il sortait direct. Mais enfin voilà quoi. Même le soir, par exemple, quand en gros tu penses que t'es vraiment seul, eh ben non, t'as toujours un veilleur de nuit qui fera toujours un tour le soir. 1, 2, 3 tours. Donc t'as pas vraiment d'intimité en fait. À 18 ans, Jade quitte son foyer. Cette fois, plus personne autour d'elle. Cette fois, il y a une porte, une serrure et une clé. Jade a pour la première fois, et grâce à l'association Éloge, un appartement à elle. Donc déjà, me retrouver seule du jour au lendemain, ça me faisait peur. Et de là, je me suis dit que j'allais toujours ressentir un vide en moi. Et au final, quand j'ai eu mon appartement, le jour même, en fait, j'avais tout décoré et tout mis à mon goût. Et du coup, en fait, directement là, je me suis sentie bien. Et vous vous souvenez de l'emménagement dans ce premier logement-là ? Et faut savoir que c'était trop, trop, trop bien, l'emménagement. Parce que déjà, le jour de l'emménagement, c'est mon foyer qui m'a accompagnée avec certains jeunes. En plus, les jeunes, ils voulaient tous venir. Et du coup, ils m'ont tous aidée jusqu'à 23h, je crois. Donc, ils m'avaient tout construit. Du coup, c'est cette solidarité-là que j'ai vraiment kiffé. La première nuit, alors du coup, je voulais pas rester seule, donc j'ai demandé à ma grande sœur de rester. Parce que de voir tous mes éducateurs et les jeunes partir, ça m'avait fait mal au cœur. Parce que du coup, je me retrouvais seule dans cet appartement, alors j'ai toujours vécu en coéquivité avec eux. Du coup, bah, quand ils sont partis, je demandais à ma sœur de rester. Et ensuite, bah, elle est partie, voilà. Mais enfin, je me rappelle, j'avais mis la télé en bruit de fond pour m'endormir. Malheureusement, l'appartement se révèle très humide, insalubre même. Et ses vêtements et ses meubles moisissent. Aujourd'hui, Jade vit dans un autre espace. Bah, le fait d'être baladée par-ci, par-là, enfin, maintenant, je le sais qu'on ne pourra plus me balader comme ça. Donc, je sais ce que je veux, je sais où je veux être. Et il y a une chose que je veux faire aussi plus tard, c'est quand j'aurai un peu d'argent, c'est que j'aimerais bien bouger partout. Mais que ce soit de ma volonté et non de la volonté des autres. Infiniment pour leur confiance et leurs histoires si fortes, à Anne-Christine, à Tiffany et aux jumeaux qui vont bientôt voir le jour, à Sylvia et Bilal, à Perle et à Jade. Merci aussi à Lydia Flemme, Monique Élève, Mona Chollet et Anne Lambert. Et merci à Tiffaine Lemarois pour son aide très précieuse sur toute cette série. Merci à Pierre-Marie Baudouin pour les lectures, à Geoffrey Marianne, Sandrine Malon, Yann Fressy et Gilles Gallinaro pour la prise de son, Éric Boisset au mixage, Annelie Signoret à la documentation, Marivonne Abolivier et Anaïs Morales en attaché de production, Perrine Kervran à la coordination. Chez nous, épisode 2, Fais-moi une place, une série d'Élodie Font réalisée par Véronique Samouiloff. Parfois rêve et surtout ne t'endors pas.